Tuto Sonic. Bonjour et bienvenue dans Tuto Sonic, les tutoriels de musique. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur un son en particulier. On va essayer de refaire un glissando de Shepard Rissay. Alors le glissando de Shepard Rissay, mais qu'est-ce que c'est ? Pour comprendre ce que c'est qu'un glissando de Shepard Rissay, il faut comprendre ce que c'est qu'un son de Shepard. Et alors un son de Shepard, c'était un psychologue en psychologie cognitive qui a travaillé sur la perception des sons, et il a créé le son de Shepard, c'est-à-dire qu'il a pris par exemple une fréquence, typiquement le La à 440 Hz, et il a rajouté toutes les octaves positives au-dessus, donc 440, 880, 1760, 3520, etc. et les octaves en dessous. On obtient une sorte de son qui contient toutes les octaves, mais qui sonne pareil. Enfin, en gros, ça donne une espèce d'impression. On a du mal à situer. C'était ça qui l'intéressait, comment on situe la hauteur des sons, etc. Et donc, il y a Jean-Claude Rissay, qui est un compositeur français qui a beaucoup travaillé avec l'électronique et qui a amené l'électronique, notamment à l'IRCAM, tout ça, qui lui a repris ça et a créé le glissando. C'est-à-dire que c'est ces mêmes notes, mais qui montent ou qui descendent. Et on a un son, on a un exemple, par exemple, je ne sais pas si Rudy peut le passer, à quoi ça ressemble. Voilà, on a un son qui descend perpétuellement. Et on peut avoir aussi l'inverse, c'est-à-dire un son qui monte perpétuellement. Et donc aujourd'hui, on va essayer de refaire ça avec les moyens du bord, c'est-à-dire on peut faire en fait un glissando de Shepard Rissay avec du scotch. Donc j'ai pris un peu un looper et on va essayer de refaire un glissando de Shepard Rissay au scotch. Et voilà, on a obtenu un glissando de Shepard Rissay, et on a l'impression vraiment d'avoir une sorte de rouleau de scotch infini qu'on pourrait dérouler pendant des heures et des heures. Et on peut voir aussi la version montante, c'est-à-dire en inversant simplement le son. Ça va venir. Là. Et voilà, merci, c'était Tuto Sonic. Et on se retrouve demain. Tuto Sonic. Merci Jérémy. Merci beaucoup. On apprend vraiment toujours des choses très bien avec notre Jérémy Chevalier.